Bonjour madame, je voudrais un pain de campagne, s'il vous plaît. Voilà madame, 2,10 € s'il vous plaît. Je vous donne un billet de 20 €. Merci, et voici votre monnaie.